Pour exploiter ce domaine, les maîtres ont besoin d'ouvriers. Il y en a de deux sortes, les ouvriers à la journée et les domestiques, attachés à la maison. Monsieur de Volmar recrute les ouvriers à la journée dans le pays, de préférence aux étrangers ou aux inconnus, les cheminots, la main-d'œuvre étrangère. Il les prime lorsqu'il est content d'eux. Il les fait surveiller par les domestiques, qui touchent un appoint pour cette surveillance. Cependant, Milord, un moyen plus efficace encore, le seul auquel des vues économiques ne font point songer, et qui est plus propre à Madame de Volmar, c'est de gagner l'affection de ces bonnes gens en leur accordant la sienne. Ouvriers, domestiques, tous ceux qui l'ont servi, ne fût-ce que pour un seul jour, deviennent tous ses enfants. Elle prend part à leur plaisir, à leur chagrin, à leur sort. Elle s'informe de leurs affaires. Leurs intérêts sont les siens. Elle se charge de 1000 soins pour eux. Elle leur donne des conseils. Elle accommode leurs différends. Ses charmes et ses discours font beaucoup. Sa douceur, ses vertus font davantage. Ah, Milord, l'adorable et puissant empire que celui de la beauté bienfaisante. Il y a à Claran 8 domestiques, 3 femmes et 5 hommes. Considérés comme les enfants de la maison, pour qu'ils aient ce sentiment, en quittant leur famille, d'avoir seulement changé de père et de mère, qu'il n'est pas celui de servir. Pour être mieux servis encore, ils ont intéressé les mêmes gens à les servir longtemps. Un domestique, en entrant chez eux, reçoit le gage ordinaire, mais ce gage augmente tous les ans d'un 20e. Au bout de 20 ans, il serait ainsi plus que doublé, et l'entretien des domestiques serait à peu près alors en raison du moyen des maîtres. Aussi, n'y a-t-il pas d'exemple d'un domestique ayant demandé son congé ? Il est même rare qu'on chasse un domestique.